On me dit dans une lettre qu'il doit y avoir de l'esprit dans le couple. Mais oui, il doit y avoir de l'esprit dans le couple. Mais pour qu'il y ait de l'esprit dans le couple, il faut qu'il y ait de l'intelligence dans les partenaires qui forment ce couple. Comment voulez-vous qu'il y ait de l'intelligence dans ces partenaires si l'esprit ne crée pas de choc dans les pôles de ce même couple? Autrement dit, si les partenaires ne vivent pas la réalisation de leurs propres illusions en fonction de la créativité de ce couple. L'homme, la femme qui forment un couple doivent réaliser où ils en sont vis-à-vis eux-mêmes et vis-à-vis l'autre. Ils doivent réaliser où ils en sont vis-à-vis l'autre. Ils doivent réaliser où ils en sont vis-à-vis l'autre et eux-mêmes. Autrement dit, dans un couple, il faut que l'être soit capable à la fois de voir sa situation et de voir la situation de l'autre, et non pas simplement celle de l'autre ou la sienne. Ceci demande de l'esprit, c'est-à-dire ceci demande de l'intelligence. C'est-à-dire que ceci demande le choc de l'esprit qui transmute la conscience personnalisée de l'homme et de la femme et qui élève cette conscience à un niveau d'intelligence suffisamment élevé pour que l'un puisse voir en lui-même et voir l'autre, pour que l'autre puisse voir en lui-même et voir l'autre. Sinon, ce que nous avons, ce ne sont pas des couples dans l'esprit, ce sont des formes de couple ou ce sont simplement des accouplements de personnalité. L'esprit dans le couple, c'est quelque chose de neuf. L'esprit dans le couple, c'est l'intelligence dans le couple, c'est neuf. Ça ne fait pas partie de l'involution. Pendant l'involution, il n'y avait pas d'esprit dans le couple, il y avait simplement des forces psycho-astrales qui coïncidait avec les désirs réciproques dans un couple. Désirs qui, s'ils étaient suffisamment communs, pouvaient permettre à un couple de vivre et de coexister. Mais le couple va beaucoup plus loin que ceci. Le couple de l'involution est un couple qui fait partie de l'expérience karmique de l'âme des deux pôles, du mâle et de la femelle, mais dans l'évolution, dans la construction de l'homme nouveau, dans le perfectionnement de la relation entre l'homme et la femme, il y va que l'esprit doit être présent en la constitution vitale, mentale, émotive et physique de ces deux êtres sur le plan matériel, qui constituent, dans le fond, la matérialisation conjointe de l'esprit à l'intérieur de deux êtres parallèlement amenés à une vibration commune. C'est ça le couple réel, le couple de demain, le couple qui n'est pas fracturable, divisible, le couple à l'intérieur duquel l'homme et la femme se supportent mutuellement dans la grande énergie créative de leur esprit individualisé. Et tant que l'homme n'aura pas compris ceci, je parle de l'homme, génériquement parlant, tant que l'être humain n'aura pas compris ceci, il vivra son couple d'une façon expérimentale, il vivra son couple d'une façon qui ne convient pas à la paix réelle et profonde de leur relation humaine, il vivra un couple dans l'acharnement, dans la division, dans l'engueulade, dans le manque de perspective universelle de leur conjointe aventure sur le plan matériel. Il ne faut pas regarder le couple de l'évolution comme nous regardions le couple de l'involution. Les règles du jeu ne sont plus les mêmes. Elles ne seront plus les mêmes, parce que l'homme ne sera plus le même. Il est évident que la construction, la création d'un couple, à partir du point d'évolution de la conscience humaine, invite l'homme et la femme à regarder leurs relations, leur vie commune, en relation avec les enfants, si enfants ils ont, d'une façon totalement intelligente, totalement créative, et de plus en plus avec une diminution totale de l'agressivité psychologique qui, en général, transforme les couples non pas en enveloppe de paix, mais en caricature. Le couple réel est une définition concrète des lois de l'esprit sur le plan matériel. Le couple réel est une affirmation sur le plan matériel de la continuité de ce qui a existé sur notre planète pendant des millénaires. Le couple réel est une réaffirmation sur la Terre de la nécessité de l'homme et de la femme de vivre ensemble dans une conjointe aventure qui leur bénéficie mutuellement parce que justement ils sont mutuellement axés, coordonnés, fusionnés avec leur énergie créative. Le couple conscientisé de demain ne pourra pas vivre sa conscience de couple comme l'avait fait le couple de l'évolution. Il ne pourra pas utiliser les conditions, les événements astraux de la conscience planétaire pour se créer temporairement une situation de vie, parce que une telle situation de vie, avec ce que l'homme de demain saura de la réalité, ne conviendra pas à la réalité du couple. Un couple créatif, un couple qui vit d'une conscience supérieure, ne peut plus vivre d'une conscience inférieure dans sa relation humaine. Il est obligé de voir tout à partir de l'esprit, de l'intelligence créative de chaque partenaire. Il est obligé de se rendre compte que sur le plan matériel, vital, émotif et mental, il doit y avoir parfaite harmonisation des forces de vie supérieures qui coïncident et qui s'adaptent à la réalité humaine. Sinon, nous ne pourrons pas demain vivre de couple réel et nous souffrirons d'être seuls. Auparavant, l'homme, la femme, qui ne pouvait pas vivre son couple ou leur couple, pouvait, avec certaine facilité, se créer un autre couple. Et si ceci ne fonctionnait pas, on se créait un autre couple. Autrement dit, on changeait de couple comme on change de couche. Mais demain, l'homme ne pourra pas faire ceci, parce que les exigences psychiques de l'homme nouveau, la conscience, la sensibilité de l'homme nouveau, demandera que ce dernier se découvre dans le monde, un être parallèle en vibration avec lui-même. Et ces êtres n'existent pas en quantité illimitée. Donc, il y a dans la révolution du couple, il y a dans la transmutation du couple, effectivement, une nouvelle conscience, c'est-à-dire une base d'expérience créative et non plus une base d'expérience purement mécanique et planétaire. Il ne doit plus y avoir de souffrance dans le couple créé par l'homme conscient. Il ne peut plus y avoir de souffrance dans le couple créé par l'homme et la femme conscientisés parce que cette souffrance serait trop grande. Cette souffrance serait trop aiguë et le couple ne pourrait pas continuer à subir et à supporter les exigences d'une telle souffrance. Tandis que dans le couple inconscient, la souffrance inconsciente, souvent même leur servait à se raccommoder. Mais la situation de l'évolution, la condition du couple nouvellement créé par la voie de l'intelligence créative, à travers deux individus conscientisés, ne pourra pas permettre que ces deux êtres subissent dans le couple des conditions de subjectivité qui s'éternisent, des conditions d'imagination et d'opinion qui n'en finissent plus, parce que le couple de demain ne pourra plus résister à l'absence d'intelligence en lui. Il sera obligé de se fragmenter afin de rendre libres ces individus qui ont besoin effectivement de s'oxygéner le cerveau à travers l'esprit qui deviendra pour eux leur seul propre et personnel point de référence. Ce n'est pas l'esprit qui divise les hommes et les femmes dans le couple. Ce sont les hommes et les femmes qui se séparent de l'esprit et qui se divisent. Ce n'est pas la puissance, la résonance, les chocs de l'esprit qui divisent les hommes et les femmes. C'est l'impuissance psychologique, émotive et mentale de ces derniers qui ne leur fait pas voir la possibilité de transcender leur humanité planétaire pour développer une humanité cosmique. C'est pourquoi il est si difficile pour l'homme de se créer un couple nouvellement renouvelé, nouvellement agrémenté, nouvellement ajusté à une condition de vie qui ne fait pas partie de l'antériorité, qui ne fait pas partie du passé de l'humanité, qui ne fait pas partie des anciennes conventions, mais qui fait partie de la nouvelle réalisation. On cherche souvent dans le couple, ou on dit souvent dans le couple, que l'homme et la femme doivent être sur la même longueur d'onde. Et on ne comprend pas ce que veut dire la même longueur d'onde dans la réalité de cette affirmation, bien qu'on puisse comprendre par projection ce que cela voudrait dire. Longueur d'onde, être sur la même longueur d'onde dans un couple, veut dire être réellement dans notre propre intelligence. L'esprit est universel. Donc, si l'homme est dans son intelligence et la femme est dans son intelligence, ils vivent tous les deux sur une même longueur d'onde, parce que l'esprit est la longueur d'onde universelle de l'homme. Mais si dans le couple, on ne réussit pas à découvrir cette longueur d'onde, il faut travailler à la découvrir. Si l'homme possède une longueur d'onde et la femme en possède une autre, il est grand temps que les deux s'assoient à la table, que les deux se regardent et que les deux se parlent. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Le problème de la longueur d'onde, ce n'est pas le problème de la présence ou de l'absence de la table. Le problème de la longueur d'onde, c'est le fait que l'homme n'est pas capable de voir la femme et que la femme n'est pas capable de voir l'homme. Il est là le problème de la longueur d'onde. La femme se regarde et l'homme se regarde et les deux se regardent le nombril. Et les deux veulent s'asseoir à la table pour faire l'échange de la densité de leur nombril. C'est une illusion. Ce n'est pas par simplement le discours, la conversation, que l'homme et la femme peuvent créer un couple réel. C'est par la dissection en eux-mêmes de ces aspects de leur personnalité qui ne font pas partie de leur esprit, mais qui fait partie de la conscience planétaire et expérimentale, de leur mémoire. Si l'homme et la femme réussissent à voir à travers leurs propres illusions, leurs propres ambitions, l'homme et la femme seront automatiquement sur une même longueur d'onde. Une longueur d'onde ne se crée pas, elle est là. Mais l'homme et la femme peuvent se découvrir dans leur fausse réalité, donc sur leur fausse longueur d'onde. L'homme conscient se demande qu'est-ce que c'est l'amour avec un grand A. Quelle est la différence avec l'amour avec un petit A? L'homme veut avoir des mesures quantitatives de la valeur de l'esprit dans son mouvement interne et affectif. L'homme veut savoir qu'est-ce que c'est l'amour réel. L'amour réel, c'est l'absence d'amour illusoire. L'amour réel, c'est l'absence d'amour illusoire. Et qu'est-ce que c'est l'amour illusoire? C'est l'absence d'amour réel. Cherchez pas plus loin que ça. Mais cherchez à voir si effectivement vous aimez ou si plutôt vous vous aimez, parce que si vous vous aimez trop, il ne reste plus rien pour l'autre, et vous vivrez un amour illusoire. Vous vivrez un couple planétaire. Vous vivrez même une forme d'accouplement, même si vous êtes légalement marié. Mais si vous regardez votre amour à partir d'un plan mental, au lieu de le voir à partir d'un plan subjectif mental, vous verrez que dans votre amour, il y a des failles, que dans votre amour pour l'autre, il y a des conditions. Et si vous ne voyez pas que les conditions qu'il y a dans votre amour pour l'autre sont des conditions subjectives, vous n'avez pas le matériel pour créer un couple réel. Vous n'avez que le matériel pour vivre à l'intérieur des tribulations d'un couple non perfectionné. Nous voyons toujours facilement le problème de l'autre, mais nous voyons très difficilement notre propre problème. Nous faisons facilement des diagnostics de notre couple, mais nous sommes incapables de comptabiliser sa valeur positive et négative en fonction de nous-mêmes. Nous pouvons le faire en fonction de l'autre, mais en fonction de lui-même, c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas en nous suffisamment d'esprit, c'est-à-dire d'intelligence, pour nous faire réaliser que l'autre nous aime en fonction de son intelligence, même si cette intelligence est limitée par certaines illusions. Pour que l'homme puisse créer un couple, il faut qu'il soit capable, à partir du point zéro, de donner gratuitement à l'autre le bénéfice du doute, c'est-à-dire le bénéfice du doute qui met en doute l'impression qu'il a de l'autre de le bien aimer. Lorsque l'homme sera capable de donner le bénéfice du doute à sa femme, lorsque la femme sera capable de faire la même chose envers lui, ce sera facile pour l'homme de commencer à intégrer l'énergie de son couple, c'est-à-dire à donner à son couple la vitalité de son esprit, afin de pouvoir, sur le plan matériel, humain, bénéficier mutuellement de l'esprit des deux, en échange parfaitement harmonique. Sur le plan psychologique, nous pouvons créer dans notre perception de notre couple, dans notre perception de nous-mêmes, dans notre perception de l'autre, nous pouvons créer de fausses valeurs. Autrement dit, nous pouvons facilement jouer. L'ego peut facilement se donner l'impression de, parce que l'ego, naturellement, est une partie de la réalité humaine qui est née avec la très grande facilité de se mentir à elle-même. Mais lorsque l'homme commence à vivre la descente de l'énergie, lorsque l'homme commence à sentir la présence de son intelligence, de son esprit, il commence à s'apercevoir que la réalité de sa perception de lui-même et de l'autre ne convient pas nécessairement à la lumière de son intelligence créative, et souvent l'ego se refuse, même devant la présence de son intelligence subtilement créative, d'affirmer sur le plan égoïque que sa vision des choses n'est pas aussi correctement absolue ou absolument correcte qu'il le croit. Et c'est là que l'homme doit prendre en cause et en conscience sa relation avec l'autre, la stabilité de son couple, la créativité de son couple, l'essence vitale de son couple. Il ne peut pas y avoir d'espace psychologique entre une femme et un homme dans un couple. Il ne peut pas y avoir dans un couple l'illusion de l'autonomie. Et je sais très bien qu'aujourd'hui, l'homme qui se conscientise est assujetti, est prisonnier de l'illusion de l'autonomie. L'autonomie, c'est une chose, mais l'autonomie ne veut pas dire dichotomie. Autonomie veut dire être capable de vivre dans son couple d'une façon intelligente, créative, sans utiliser les subterfuges de l'émotion pour vider l'autre, pour vampiriser l'autre, pour se sécuriser adroitement en relation avec l'autre. Autonomie créative veut dire être capable de se comporter vis-à-vis l'autre d'une façon créative, c'est-à-dire d'une façon qui permet à soi-même d'être intégralement un et en relation avec l'autre, d'être intégralement unifié. C'est ça l'autonomie dans le couple. J'entends parler ici et là des bénéfices de l'autonomie. Je vous assure que ceux qui comprendront mal l'autonomie dans le couple vivront la dichotomie dans le couple parce que, au lieu de vivre l'autonomie sur le plan de l'intelligence créative, en dehors de la forme suave et subjective de l'ego vampirique, ils vivront une forme d'autonomie qui représente l'aliénation d'eux-mêmes à l'intérieur de leur couple. Autonomie veut dire et doit dire créativité intelligente dans un homme et dans une femme, à travers et en relation avec un principe universel de conscience, c'est-à-dire en relation avec une force mutuelle d'intelligence chez les deux, afin de cimenter, afin d'agrémenter et de donner à ce couple une condition de permanence, une condition de stabilité, où les deux êtres peuvent finalement faire ce qu'ils ont à faire d'une façon autonome, créative, mais aussi générative, de sorte que leurs actions à l'intérieur du couple enrichissent le couple au lieu de le diviser et de les séparer parce que ils vivent d'un bord et de l'autre, dans leur autonomie subjective. Nous sommes, à l'intérieur d'un couple, facilement, nous pouvons facilement le devenir, des êtres de tendre vengeance. Il nous est facile, sans même nous en apercevoir, de nous venger à l'intérieur de notre couple. De nous venger, pourquoi? Parce que nous sentons ou nous percevons mal l'autre. Et comme nous percevons mal l'autre, nous avons tendance à nous venger afin de corriger cette perception. Et je vous assure que dans tous les couples de la Terre, il y a cet aspect de vengeance qui existe chez l'homme et chez la femme, et c'est probablement un de ses aspects les plus subtils, les plus hermétiques de la conscience du couple, qui est responsable pour le manque de stabilité, de définition, de permanence, de créativité et d'intelligence de plus en plus développée dans le couple. Si nous ne sommes pas capables de voir dans nos actions, quelque part, lorsque nous vivons la dissension dans le couple, si nous ne sommes pas capables de voir la vengeance qui monte sa tête à travers des actions que nous commettons, nous sommes évidemment extrêmement aveugles de nous-mêmes. Si nous ne sommes pas capables de déceler la vengeance que nous vivons dans nos actions, dans le couple, lorsqu'il y a dissension, nous ne comprenons pas les mécanismes occultes de la conscience humaine à travers nos personnalités qui définissent notre couple incomplet et qui nous forcent à vivre une vie de couple en fonction de nos aspects inférieurs aux yeux de notre intelligence créative. Et je puis facilement affirmer que dans la vie des couples de l'homme de la terre, au cours de l'expérience, au cours de l'échange, au cours de la relativité, dans l'expression, je puis affirmer que dans tous les couples de la terre, il y a quelque part la manifestation de la vengeance, c'est-à-dire de cette tendance chez l'un ou chez l'autre de créer une situation afin de corriger une perception, une mauvaise perception que nous avons nous-mêmes de l'autre. Et ceci est probablement une des plus grandes clés dans la construction du couple. Clé qui nous invite, en tant qu'homme conscient, à réaliser le besoin de ne jamais manifester dans notre couple cet élément hargneux, subtil, douloureux et même puissant de la vengeance. Que la vengeance soit ouverte ou que la vengeance soit tacite, subtile, sournoise, souterraine, s'il y a vengeance, il y a fracture dans le couple. Et cette fracture devient de plus en plus grande. Et un jour, elle peut être tellement grande qu'elle devient une faute inévitable et qu'elle empêche inévitablement l'homme et la femme de vivre une vie de couple qui n'est plus réelle, donc, dans le fond, qui n'a plus de nécessité d'être. Là où dans le couple, il y a eu amour sincère au début, afin de permettre l'amalgation des deux personnages, il peut y avoir demain, plus tard, résurrection, repolissage de cet amour, mais au-delà de la simple sincérité des jeunes années, au-delà de la simple sincérité. Il faut que le couple soit fondé sur quelque chose de plus grand que la sincérité, parce que la sincérité, elle est comme le vent. Elle change la sincérité, proportionnellement aux difficultés de la vie, proportionnellement aux illusions, proportionnellement à la difficulté de l'homme et de la femme de maintenir la tension de la sincérité. Lorsqu'il y a sincérité dans un couple ou lorsqu'un couple est fondé sur la sincérité, il y a automatiquement et naturellement tension entre les deux. On doit se débattre et combattre pendant des années à demeurer sincère. Et ceci est très difficile parce que demeurer sincère veut dire s'exercer constamment à ne pas se noyer dans notre inconscience. Donc, le couple doit être fondé sur quelque chose de plus grand, de plus valable, de plus réel, de plus permanent que la sincérité. Le couple doit être fondé sur de l'intelligence pure, c'est-à-dire sur de l'esprit, c'est-à-dire sur la connexion entre l'homme et son esprit, et la femme et son esprit. Dans une ambiance mentale supérieure, qui fait en sorte que les petits appétits routiniers du couple sont facilement englobés par cette grande puissance créative qu'est l'esprit de l'homme, donc qu'est l'esprit du couple pour l'homme et pour la femme. Un couple qui fonde sa réalité ou son irréalité sur la sincérité se verra obligé au cours des années de constamment réaffirmer sa sincérité. Et ceci est une perte d'énergie. Ceci fait partie des lois du petit amour. Ceci fait partie des lois du couple expérimental et planétaire. Le couple doit être au-dessus de ceci. Il doit être vivant. Et non pas simplement existentiel ou coexistentiel. Il doit être régi par des lois fondamentalement lumineuses de la conscience humaine. Il doit être assis sur la base fondamentale de la réunion de deux êtres pour le bénéfice d'échanges, de cohabitation, de coexistence. Pendant X nombre d'années, afin de pouvoir même perpétuer cette alliance dans un monde parallèle lorsque l'homme aura passé de la nécessité de la vie mortelle aux conditions futures de l'immortalité. Donc, le couple nouveau ne peut pas être régi par des besoins psycho-émotifs de l'ordre humain planétaire, terrestre, expérimental, dire même karmo-animique. Le couple doit être régi par la force interne de l'homme et par la force interne de la femme, c'est-à-dire par l'intelligence de l'homme et de la femme. Il doit être suffisamment solide, suffisamment intelligent pour parier à toutes les contradictions subtiles de la vie de tous les jours qui font en sorte que l'événementiel, souvent fatigant, souvent mécanique, ne viennent pas ternir la beauté, la stabilité, la profondeur, l'esprit de cette réunion de deux êtres qui s'acheminent ensemble sur une planète en évolution. Le couple doit être quelque chose de vivant, quelque chose de vital, quelque chose de réel où les éléments psychologiques des deux égaux n'ont pas à intervenir constamment dans la correction des mécanismes d'appétit inférieur qui font du couple simplement une habitation temporaire, habitation impermanente, assujettie à tous les vents, à toutes les tempêtes, à tous les obstacles. Le couple doit être monolithique. Il doit être fait de deux pièces différentes, mais fondées dans une même conscience et élevées dans un même esprit, afin de donner à l'homme, à la femme, une permanence de vie en commun, permanence de vie qui n'a plus de prix, parce que vivre à deux, c'est effectivement beaucoup plus intéressant que de vivre seul. Mais si l'homme ne comprend pas l'illusion de l'autonomie, s'il ne comprend pas la fausse autonomie, s'il ne passe pas de l'autonomie subjective, psychologique, émotive, faussement mentale, à l'autonomie créative, c'est-à-dire cette forme d'autonomie qui permet à ces deux partenaires de construire ensemble, selon leur propre talent, avec leur propre capacité, leur propre vision, une maison à deux, l'homme nouveau, l'homme sensible, supramental de demain se verra obligé de réaliser que la construction d'un couple n'est pas facile parce qu'elle nécessite l'abolition chez soi-même des illusions pernicieuses de notre psychologie offensive. Nous sommes trop offensifs dans nos couples. Nous offensons l'autre. L'autre nous offense. Nous sommes offensés, donc nous vivons l'offuscation et ce cercle vicieux continue et continue pendant des années. Et nous perdons de l'énergie. Et au lieu de construire et de créer nos couples, nous travaillons constamment à ravitailler nos ressources afin de donner à notre couple une semblante permanence. Nous passons notre temps à le rapiécer, à le recoudre, à le repatcher. C'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Ça fait partie de l'illusion du couple, donc ça fait partie de l'illusion des partenaires du couple, donc c'est une manifestation qu'il y a dans le couple un manque grave d'intelligence créative, et ceci fait partie de la souffrance du couple, de la souffrance des partenaires. Et tant que les hommes n'auront pas pris en main leur propre énergie, tant que les hommes n'auront pas pris en main leurs propres illusions, tant qu'ils continueront à convoiter à l'intérieur de leur psychisme des formes qui ne sont pas réelles, pour se donner l'impression d'être supérieurement intelligent, pour se donner l'impression d'être supérieurement avancé, pour se donner l'impression d'être supérieur à l'autre, ils ne vivront pas la vie du couple créé, cosmique, le couple de l'avenir, le couple réel, le couple qui ne se détruit pas et qui s'engendre et qui continuera à s'engendrer au-delà des portes de la mortalité. Un couple réel, c'est un état d'esprit, ce n'est pas une attitude de relation. Un couple réel, c'est un état d'esprit à deux, ce n'est pas une attitude relationnelle, ce n'est pas une attitude relative. Il n'y a pas de relativité dans un couple réel, il n'y a que de l'unité, mais de l'unité fondée sur de l'intelligence réelle et non pas fondée sur des principes psycho-émotifs, voulant que nous soyons un lorsqu'en fait nous sommes deux dans notre coin. Un couple réel doit se créer et il ne peut se créer que lorsque nous réalisons, à travers le passage de l'énergie qui travaille sur nos corps subtils, qui déplace dans nos émotions, dans notre mental, beaucoup d'air. Un couple réel est un couple qui prend conscience du fait que l'énergie devient pour nous un effet signalant de nos illusions. Et si nous ne sommes pas capables de voir nos illusions lorsque l'énergie descend et fait vibrer nos corps, comment voulez-vous que nous puissions créer un couple réel? Ce n'est pas parce que l'homme nouveau saura beaucoup de choses qu'il sera à l'abri des illusions de sa personnalité. Et je répète, ce n'est pas parce que l'homme nouveau saura beaucoup de choses, qu'il aura beaucoup de connaissances, qu'il sera à l'abri de sa personnalité. L'homme nouveau doit prendre avantage de ce qu'il sait pour corroborer, pour prouver à lui-même l'illusion de ce qu'il savait. Donc, il doit prendre avantage de ce qu'il réalise pour pouvoir créer son couple. C'est avec ce matériel qu'il créera son couple. C'est à partir de zéro qu'il créera son couple. Ce n'est pas à partir de quelque chose. Le quelque chose fait partie de l'ancienneté. Le quelque chose qu'il possède fait partie des anciennes habitudes, des anciennes attitudes, des anciens contrats, des anciens convenants, des anciens besoins émotifs, subjectif. tandis que le couple réel doit être créé à partir de zéro, c'est-à-dire à partir de l'esprit. Tant que l'homme ne pourra pas définir son couple, c'est-à-dire le réaliser, 360 degrés. Autrement dit, tant que l'homme n'aura pas la certitude de son couple, et je dis bien certitude, lorsque je dis certitude, l'homme ne vivra pas un couple réel, il vivra un couple expérimental. Tant que l'homme n'aura pas fait descendre dans son couple l'énergie de son intelligence, et qu'il n'aura pas utilisé cette énergie pour la conservation à tout prix de son couple, il vivra un couple assujetti à des conditions expérimentales où il sera obligé de recouvrer l'énergie de certaines actions qui auront servi à lui faire voir certaines illusions dans la relation entre son énergie colorée et sa capacité en tant qu'ego de vivre cette énergie sans coloration. Tant que l'homme n'aura pas la certitude d'être en plein contrôle de l'énergie qui forme son couple, tant qu'il n'aura pas la certitude d'être capable de garder et de maintenir au-delà de l'accident son couple, ce dernier ne sera pas un couple réel, il sera toujours un couple qui puisse être utilisé pour le perfectionnement de sa conscience. Tant que l'homme ne sera pas capable de savoir son couple, il sera obligé de vivre sur le plan de la conscience psychologique ce même couple. Tant que l'homme ne sera pas capable de savoir qu'il est, qu'il crée, qu'il est responsable, qu'il a la puissance de créer et de maintenir son couple, il vivra un couple qui est sujet, selon les événements de la vie, selon ses illusions, selon ses évaporations, à vivre un couple de façon expérimentale, incertaine, souvent en fonction de certaines projections de probabilité qui lui ouvriraient des sentiers d'action à l'extérieur des limites de ce couple, créant ainsi à l'intérieur de son couple une instabilité et une condition parfaite pour l'ingérence d'influence, pour l'actualisation de certains éléments événementiels capables de créer dans son couple assujetti une déformation de l'esprit de ce même couple. Vous me direz, mais comment pouvons-nous être sûrs? Et je vous répondrai, c'est à vous de la créer, cette certitude. C'est à vous de faire descendre cette énergie, de la contrôler, cette énergie, de ne pas la colorer, cette énergie, afin que votre couple ne soit pas coloré. Donc, votre couple, il est dans vos mains, il n'est pas dans les mains de votre esprit, il est dans vos mains. Et si l'esprit en vous est puissant et qu'il descend dans un monde de pensée et d'attitude mentale et d'attitude émotionnelle qui colore sa lumière, il est évident que votre couple, sera difficile à créer avec certitude. Parce que vous n'aurez pas suffisamment la puissance mentale, la volonté intégrale de le garder, de le maintenir, de le nourrir, de lui donner de l'eau et du soleil. Donc, le couple, il est dans les mains de l'homme, il n'est pas dans les mains de la vie. Le couple fait partie de l'expérience de l'homme, il ne fait pas partie de l'expérience de l'esprit. Le couple est la réalisation de l'esprit à travers l'homme, mais il n'est pas l'expérience de l'esprit. Donc l'homme doit en arriver un jour à regarder le couple, à vivre le couple à partir de son esprit, c'est-à-dire à partir de son intelligence, à partir de son énergie, afin de donner à ce couple toute la lumière dont il a de besoin pour s'élever au-delà de la simple juxtaposition de deux êtres, afin de vivre l'unité de deux êtres.